Bienvenue à tous, bienvenue à ce nouveau Midi de l'imaginaire qui encore malheureusement ne peut se dérouler en chair et en os. Hein. Et pour ce nouveau rendez-vous qui est marqué du sceau de notre slogan confiné mais plus reporté, nous sommes très heureux d'accueillir enfin Nicolas Telop, qu'on essaye de boucler depuis novembre de l'année passée, je pense. Et donc, je vais vous présenter en quelques mots Nicolas Telop. Merci d'être là avec nous. Donc, vous êtes souvent présenté sous la belle expression de théoricien de la pop culture. Vous êtes journaliste touche à tout, mais surtout spécialisé dans la bande dessinée et le cinéma. Vous êtes par exemple rédacteur en chef des hors-séries des Cahiers de la BD, rédacteur en chef adjoint pour la revue de cinéma La Septième Obsession, et vous êtes aussi à la tête alors de la renaissance de la revue mythique Métal Hurlant qu'on se réjouit de découvrir probablement, comme vous avez dit, en septembre prochain. Vous êtes aussi auteur de nombreux ouvrages, dont je ne vais pas faire toute la liste ici. Je vais citer peut-être vos dernières publications. L'Anti-Atome, Franquin à l'épreuve de la vie en 2017. Snoopy Theory en 2018. Un songe de Corto Maltese en 2019, dans une collection d'ailleurs que vous dirigez, une très belle collection sur la bande dessinée. Et enfin, Astro Boy, Cœur de fer en 2020, dans la très chouette aussi collection La Fabrique des héros aux impressions nouvelles, ici les éditions belges. Donc, pour terminer ce passage rapide de votre CV, signalons aussi que se déroule pour l'instant une campagne de crowdfunding sur Kiss Kiss Bang Bang qui vise à financer la publication de deux livres consacrés au réalisateur culte Richard Fleischer. Donc, pour tous les fans de cet auteur, j'invite à aller rejoindre cette page pour aider à ce beau projet. Enfin, bah, donc, pour Nicolas Telop a choisi aujourd'hui pour ce rendez-vous donc un personnage tout à fait dans l'esprit, on va dire, de ces milieux d'imaginaire hein, qui veulent mettre en lumière, en perspective, des figures de la culture populaire qui sont à la fois extrêmement connues et sur lesquelles on se penche trop rarement, ou pas assez en tout cas. Je veux bien entendu parler ici de Picsou, vous le savez puisque vous êtes là, le plus riche, le plus courageux et le plus aventureux des canards. Je vous laisse la parole, merci beaucoup, merci à tous et à tout à l'heure. Merci. Eh bien, bonjour. Je suis là, ravi de pouvoir parler de Picsou parce que c'est un amour que j'éprouve depuis très longtemps pour ce personnage. J'ai vraiment grandi avec lui et avec Donald, enfin toute la famille hein, en quelque sorte. Et c'était vraiment un enchantement quand j'étais petit de suivre ses aventures, que ce soit sur papier ou même parfois à la télévision. Et donc, je vais essayer de dire quelques mots. Intéressant sur ce personnage et sur la famille Duck, en fait, parce que je ne vais pas me concentrer que sur Picsou, même si ça va être le point nodal. Je vais beaucoup évoquer Donald, parce que c'est le personnage qui préexiste, en fait, à Picsou. Et même s'il y a beaucoup d'auteurs qui se sont penchés sur cet univers-là, je vais me concentrer sur deux auteurs en particulier, qui sont Karl Barks. Karl Barks, c'est l'auteur qui a créé Picsou et qui a permis aussi de donner les bases en fait, de l'univers Palmipède, même si Donald avait été créé bien avant que Karl Barks s'occupe de ce personnage. C'est quand même lui qui lui a donné en fait, une forme, une identité qui perdure encore aujourd'hui. Et le deuxième auteur, c'est Don Rosa. Qui est le continuateur en fait de Karl Barks. Le lien qu'il y a entre les deux auteurs pour les cinéphiles, ce serait un peu celui qu'il y a entre Hitchcock et De Palma, parce que il y a un modèle, c'est Karl Barks, une sorte de version classique de l'univers Palmipède, et puis il y a celui qui a construit son œuvre sur l'œuvre antérieure, c'est Don Rosa, et qui a permis en fait de développer les motifs et d'approfondir un sous-texte assez conséquent. Et surtout, ce sont deux œuvres qui rivalisent en beauté. Don Rosa parvient même à être bien souvent extrêmement bouleversant dans les thèmes et dans l'approche qu'il donne en fait de ce personnage. Donc, je vais me centrer sur ces deux auteurs-là, mais je voudrais ouvrir ce voyage un peu dans la biographie de Picsou par une citation de Walt Disney qui est Tout ce que j'espère, c'est que l'on n'oublie pas une chose, tout a commencé avec une souris. Donc, y compris les canards, comme on le verra un peu plus tard. Donc, la première apparition de Picsou, elle a lieu en 1943. Picsou n'est pas encore lui-même et ce n'est pas encore un personnage à proprement parler. Il apparaît dans un cartoon qui s'appelle The Spirit of 43. C'est un dessin animé qui met en scène Donald Duck. Et qui est tout entier concentré vers l'idée d'une propagande de participer en fait à l'effort de guerre dans lequel l'Amérique vient de s'engager en fait. Et donc dans ce dessin animé, il y a Donald Duck qui vient de toucher sa paye et il est soumis à un dilemme. Un peu comme Milou dans les aventures de Tintin et Milou, il y a Milou ange et Milou démon qui le poussent à faire des choses. Ben là, pour Donald Duck, c'est pareil. Il va y avoir un mauvais canard qui va se présenter à lui et un bon canard et qui vont lui dire en fait quoi faire de son argent. Alors, le mauvais canard, canard un peu futile, c'est évidemment pas celui qu'on voit à l'écran, hein. Lui, c'est le bon. Mais le mauvais canard, c'est en fait un peu Donald tel qu'il est lui-même. C'est Donald tel qu'il a été créé quelque part en 1934 par Dick Lundy dans un dessin animé qui s'appelle « Une petite poule avisée ». C'est la première apparition de Donald sur un écran, c'est la première apparition de Donald tout court. Et là-dedans, Donald, c'est vraiment une sorte de bambochard, de personnage un peu bohème, qui est tout entier voué à l'insouciance en compagnie de son camarade Peter Pig, qu'on voit ici à droite. À eux deux, ils font partie du club des fainéants rigolos, donc tout est dit. Hein. L'histoire de ce cartoon, c'est un petit peu une sorte de réécriture de La cigale et la fourmi de La Fontaine. Alors, d'un côté, dans le rôle de la cigale, ben, c'est Donald Duck et Peter Pig. Et pour la fourmi, ben, c'est la petite poule avisée qui va les remettre dans le droit chemin. Donc, le premier personnage auquel est confronté Donald Duck dans The Spirit of Fortifree, c'est une sorte d'émanation de ce Donald Duck des origines. L'autre personnage, c'est le bon canard, c'est le canard écossais qui, on le voit, essaie d'engager Donald Duck à épargner son argent. Donc, c'est un canard raisonnable. Le fait qu'il soit écossais, c'est sans doute pour entretenir le stéréotype de l'avarice, et en tout cas du caractère économe de cette population-là. Sauf que ce n'est pas une avarice égoïste, vu que elle est au contraire centrée vers l'effort de guerre, vers le financement en fait de l'engagement militaire des États-Unis dans le conflit mondial de l'époque. Donc, on le voit, hein, il a un kilt, il a un béret, tout ça participe hein, de cette ascendance écossaise, mais aussi il a la même vareuse que Donald. Donc on pourrait supposer en tout cas que ce personnage qui n'en est pas un, hein, c'est une projection spirituelle en quelque sorte de Donald, c'est comme une sorte d'ancêtre qui lui rappelle un peu ses propres origines, comme si Donald Duck en fait avait des origines écossaises, ce qui sera le cas hein, si on suit la biographie telle qu'elle a été posée par Don Rosa. Et le lien avec l'Écosse, c'est un lien aussi qui se tisse avec l'Europe, et ça permet aussi de montrer peut-être un peu plus précisément aux spectateurs de l'époque qu'il faut s'engager dans l'effort de guerre, parce que en s'engageant comme ça, on va venir en aide en fait aux ancêtres européens, à l'origine en fait hein, des colons américains tels qu'ils sont là dans les années 40. Donc, c'est la toute première apparition de Picsou, qui n'est donc pas Picsou. Hein. Surtout, c'est un cartoon qui est scénarisé par Karl Barks. Donc, on peut vraiment lui attribuer, pour le coup, l'origine et la naissance de Picsou, parce que 5 ans avant qu'il ne crée Picsou en bonne et due forme, il a déjà esquissé, en fait, le personnage dans ce dessin animé. Donc, je vous présente rapidement Karl Barks. Il est né en 1901, c'est-à-dire la même année que Walt Disney, sauf qu'il n'a pas du tout le même parcours, il a un parcours beaucoup plus chaotique. En fait, ses parents, ils n'arrêtaient pas de déménager et souvent, ils s'installaient dans un endroit qui était très isolé, ce qui fait qu'il a eu une scolarité extrêmement précaire, extrêmement compliquée et très jeune. En fait, il s'est engagé dans des petits boulots assez ingrats et difficiles. Il n'était pas encore majeur qu'il avait déjà été bûcheron, poseur de rails, cow-boy et imprimeur, enfin, un sacré CV. Il n'a jamais quitté l'ambition de devenir un jour dessinateur. Le dessin, c'est quand même quelque chose qu'il habite depuis qu'il est tout petit. Et donc, à un moment donné, il a peut-être une vingtaine d'années, il se dit qu'il faut qu'il se pose et qu'il commence à vivre de ses passions, en quelque sorte. Et donc, il prend des cours de dessin par correspondance. Et dans les années 1920, il réussit à placer des dessins dans une revue qui s'appelle Calgary Eye Opener. Donc, on voit un de ses dessins ici. Dessin humoristique, hein, c'est ce qu'il fait pendant plusieurs années pour cette revue-là. Donc là, on voit, hein, c'est une stripteaseuse qui a oublié l'essentiel, à savoir un collier. Il va vivre de ce dessin pendant plusieurs années. En 1935, il réussit à vendre d'autres dessins dans divers journaux. Et c'est dans l'un de ces journaux qu'il tombe sur une annonce qui est faite par Walt Disney, qui cherche des dessinateurs pour venir en aide à un chantier immense qu'il est en train de mettre en place. C'est la réalisation du premier long-métrage d'animation, à savoir Blanche-Neige. Donc, Karl Barks s'y saisit l'occasion, il postule, il est aussitôt engagé et il commence une carrière relativement courte d'intervalliste dans l'animation. Il a des qualités de conteur qui font qu'il va très vite intégrer le département des scénarios. Dans un premier temps, c'est juste pour écrire des pitchs et fournir des gags, que ce soit pour les cartoons ou que ce soit pour le strip, parce qu'il y a déjà des strips de Donald Duck à l'époque. Et puis très vite, il va pouvoir signer ses propres scénarios, comme par exemple, tout à l'heure, on l'a vu, The Spirit of 43, ou alors les neveux de Donald en 1938, qui introduisent Riri, Fifi et Loulou à l'écran, même s'ils existaient déjà un peu avant dans les bandes dessinées. Donc, à l'époque, Donald, il commence à être extrêmement populaire, peut-être même plus encore que Mickey. Et en 1942, on lui demande de réaliser le premier comic book centré sur Donald, qui s'appelle Donald et l'or des pirates. Barks le dessine non pas seul, mais avec Jack Hanna. Et le scénario est signé Bob Karp, mais il est assez vraisemblable que Karl Barks ait apporté son grain de sel dans cette histoire. Parce que c'est une histoire de chasse au trésor et l'avenir de la série entre les mains de Karl Barks est quand même centré sur ce motif-là. Et puis la même année, en 1942, Karl Barks quitte le studio Disney. Il y a deux raisons, une officielle, une officieuse. La raison officielle, ce serait que à cause de la climatisation, Barks aurait eu des problèmes respiratoires et donc il fallait qu'il sorte de là, quoi. La raison officieuse, c'est que son travail aurait été critiqué et comme il est colérique, il a claqué la porte. Et donc, en 1942, il se lance dans l'élevage de poulets en plein désert californien. Ce sera un échec. Virage total, hein, assez inattendu. Et en 1943, il y a Dell Publishing qui avait publié donc ce premier comic book qui l'appelle pour continuer, en fait, pour reprendre les rênes de la série. Et donc, comme les poulets, ça n'a pas marché, il se dit, bon, ben, on y va. Et c'est là que sa carrière allait lancer jusqu'en 1966, date à laquelle il prend sa retraite, mais c'est une retraite si on veut, parce qu'il va continuer pendant un certain temps à écrire des scénarios pour les Castors Juniors. Enfin, c'est toujours autour de la même famille, mais ça met en vedette en particulier les Castors Juniors. Et surtout, il va se lancer dans la peinture, des sublimes tableaux qui reprennent les épisodes cultes des séries, enfin des aventures qu'il a construites. Toujours est-il que cet épisode des poulets, il n'est pas sans laisser de traces dans l'univers palmipède, parce qu'il y a un truc assez curieux chez Donald, c'est qu'il mange souvent des poulets. Donc, on voit régulièrement des poulets déplumés, décapités dans le frigo, ou alors ils sont rôtis, ils s'apprêtent à le manger. Là, on voit même qu'il a des difficultés à le couper, apparemment, ce poulet qui a été trop cuit. Y a vraiment, au-delà du gag hein, sur la nourriture, une nourriture un petit peu populaire, etc., au-delà, évidemment, peut-être du clin d'œil personnel en fait à son expérience hein, d'éleveur de poulets en plein désert californien, il y a quelque chose d'assez troublant, il y a quelque chose d'assez inquiétant en fait dans l'idée qu'on a ici un canard qui mange des poulets, donc qui est presque cannibale quoi en fait, hein. Et ça crée, ça pose plein de questions sur la personnification et l'anthropomorphisme dans la série. Jusqu'où les personnages sont des canards et jusqu'où ils sont des humains. À quel niveau placer le curseur, c'est très compliqué, c'est très étrange. Et y a une histoire géniale qui s'appelle La boîte à Géo, qui a été écrite par Karl Barks dans les années 50, qui met en perspective cette question. Dans cette histoire, c'est Géo Trouve-Tout qui a inventé un système de boîtes. On passe à travers ces boîtes et un animal devient doté de pensées humaines et d'un comportement humain. Donc, il ne change pas d'apparence, mais il se met droit sur ses pattes arrière, par exemple. Il commence à parler, il a un vocabulaire très sophistiqué, etc. Donc, Donald, qui est toujours très dubitatif, se moque de Géo. Il se moque aussi de ses neveux qui, eux, sont totalement emballés. Et pour leur jouer un tour, il va se déguiser en loup. Il va faire croire que c'est un loup qui est passé entre les deux boîtes et que maintenant qu'il commence à réfléchir, il n'a plus envie de manger des poulets crus. Il a envie de manger des canards ou des poulets rôtis et il se met à poursuivre en fait ses neveux. Et là, il est interrompu par un homme qui lui dit: « Non, non, moi vivant, tu feras pas de mal à ces enfants. » Alors Donald, il est obligé de révéler sa vraie nature. Il enlève son costume, il dit: « Mais non, non, en fait, je suis pas un loup, je suis un canard, quoi. » Et là, alors c'est merveilleux. Le type enlève à son tour son costume et il se révèle que c'est le loup qui était bel et bien passé entre les deux boîtes et qui dit: bah moi c'est pareil, je suis passé entre les boîtes, je suis devenu intelligent d'un seul coup. Et c'est l'arroseur arrosé, il lui dit: ce matin je voulais encore manger des poulets crus et maintenant j'ai envie de canard rôti. Et il se met à courir après Donald. Donc il y a vraiment un récit qui se mord la queue et qui, encore une fois, met en perspective cette ambivalence qu'il y a au niveau de la personnification. Y a quelque chose de trouble. Il y a tout un jeu de masques et de retournements qui est à l'œuvre dans cet épisode, mais qu'on peut élargir à toute la série, entre l'animalité et l'humanité. Et l'idée, la morale qu'on peut en tirer, c'est que les apparences sont toujours plus complexes qu'on le croit. Et c'est vraiment le cas donc pour l'univers palmipède et pour Donald et toute la famille, parce que finalement, ce sont des personnages qui ne sont ni canards ni humains. C'est un peu le chat de Schrödinger, c'est le canard de Schrödinger. Ils sont entre les deux et c'est une distinction qui est totalement indiscernable. Bon, alors, toujours est-il que Barks, quand il commence la série, c'est pas du tout l'ambition qu'il avait à la base. S'il voulait se lancer dans la bande dessinée, ça aurait été plutôt pour faire sa propre série, créer ses propres personnages. Et la solution qu'il trouve à ça, c'est de créer des nouveaux personnages autour de Donald Duck. Et donc, c'est pour ça qu'on va voir arriver son cousin Gontran-Bonheur, il va y avoir Mystique, les Rapetous, Géo Trouve-Tout, hein, qu'on voit ici. Mais le plus important d'entre tous, c'est Picsou, parce qu'en fait, tous les personnages que je viens d'évoquer sont conditionnés par Picsou. Sans Picsou, les Rapetous, Mystique, etc., ils n'existent pas. Et donc, il apparaît pour la première fois. Ah oui, pardon, ça, je n'ai pas parlé de ça. Je reviens en arrière sur la personnification avec les animaux, parce qu'à un moment donné, Picsou cherche un nouvel animal pour son zoo, Et les neveux, Riri, Fifi et Loulou, ils pensent que c'est Donald qui va finir dans le zoo. Et donc les neveux disent, eh non, non, il n'y a pas moyen. Et d'abord, notre oncle, ce n'est pas un animal. Encore une fois, hein, c'est quand même super ambigu. Si ce n'est pas un animal, c'est quoi alors? Hein, si ce n'est pas un canard, c'est quoi exactement? Bref, je reviens à mon Picsou. La première apparition de Picsou, c'est en 1947, en décembre 1947, c'est dans un récit qui s'appelle Noël sur le mont Ours. Et avec Picsou, c'est tout un trouble et une ambiguïté qui reprend forme et qui revient au centre du récit dans un univers de Walt Disney qui, depuis 20 ans, est plutôt tourné vers une sorte d'affadissement et de lissage, en fait, hein, de tous les personnages. Parce que 20 ans plus tôt, en 1927, Walt Disney il crée Mickey Mouse. Et le Mickey Mouse originel, il est lui-même un peu ambivalent. Ce personnage, Mickey, il était doublé par Disney lui-même et il lui avait insufflé une part de son identité et de sa personnalité. Parce que Mickey, au départ, il est aussi timide qu'agressif. Il est chaleureux, mais aussi un peu hargneux. Il est un peu ambigu, quoi, en fait. Et cette image, à cause de la popularité de la souris, elle disparaît très rapidement des cartoons. Elle ne subsiste plus que dans des comic strips de Floyd Gottfredson. Et puis, très rapidement, elle n'existe plus nulle part. Mickey, ça devient un personnage en fait sans vraiment de personnalité, une pure image, une incarnation du bourgeois en quelque sorte, attachant mais relativement vide. Et pour pallier à ce problème, parce que bon, c'est bien gentil d'avoir une image attachante, mais il faudrait quand même qu'il y ait un peu de personnalité là-dedans, on lui accole des personnages qui viennent en quelque sorte lui donner du relief et qui viennent qui prennent en charge les défauts en fait de Mickey, les défauts qu'il avait auparavant. Donc il y a Pluto qui est foufou, il y a Dingo qui est un peu bébête. Et il y a Donald qui, lui, comme on va le voir, assume une autre image. Et aux côtés de Mickey, Donald, il vient rompre totalement avec celui qu'il était aux origines, c'est-à-dire dans La Petite Poule avisée. Alors qu'il était débonnaire et plutôt cool, bah là, il devient colérique, une véritable boule de nerfs, assez peureux et assez couard par ailleurs. Mais il est toujours dans l'idée de chercher l'affrontement, de vouloir en découdre, toujours en train de se mettre en rogne. Et à travers lui, il y a évidemment tout un univers hérité du burlesque muet, celui de Chaplin, de Buster Keaton, d'Harold Lloyd et de Laurel et Hardy, par exemple, qui refait surface. C'est l'univers du slapstick, du bâton claqueur, hein, des baffes et des chutes. Et une violence graphique qui est quand même assez présente, même si suffisamment sophistiquée pour que ça ne choque pas le jeune spectateur. À la même époque, à la fin des années 30, il est doté de ses trois neveux, là, Riri, Fifi et Loulou, qui n'ont rien à voir avec les neveux tels qu'on les connaît aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'est des délinquants juvéniles, quoi, en fait. C'est des pervers polymorphes. Ils n'arrêtent pas de faire des farces extrêmement cruelles et plutôt violentes. La raison pour laquelle Donald les accueille, c'est qu'il y a plusieurs raisons, en fait, qui sont données. Une fois, il reçoit une lettre selon laquelle la mère envoie les neveux chez l'oncle. Parce qu'il a fait une farce à son instituteur, ils ont fait une farce à son instituteur, il s'est retrouvé à l'hôpital. Donc un pétard sur la chaise. Et une autre fois, c'est le père qui a subi cette farce-là et qui est à l'hôpital. Donc vraiment, quand on envoie Riri, Fifi et Loulou chez Donald, c'est vraiment dans l'idée de se débarrasser de cette calamité-là. Hein. Et en fait, à la maison, au foyer, quand Donald et Riri, Fifi, Loulou sont réunis, c'est une sorte de bataille rangée. Hein, c'est un foyer qui est extrêmement dysfonctionnel et ils n'arrêtent pas de vouloir se faire du mal. Et donc voilà, c'est par exemple ici, on a l'image de Donald qui cherche à en découdre. Et puis après, on a l'image de Donald qui se débarrasse de ses neveux en les ayant enchaînés dans des valises. Qui est bien content de pouvoir les voir s'éloigner enfin de chez lui. Donc, c'est pas du tout en fait l'image de la famille telle qu'on va la voir chez Barks. Et cette image-là de Donald, elle va très vite évoluer dans les années 40 parce que Donald, il devient le porte-parole en quelque sorte de Disney à l'égard de la Seconde Guerre mondiale. On l'a vu par rapport à The Spirit of 43 et on le voit dans plein d'autres dessins animés où, en fait, ça devient un personnage beaucoup plus calme, assagi et il gagne une certaine respectabilité. Et ses neveux également. Ses neveux deviennent soudain des enfants très charmants, des anges. Hein. D'ailleurs, en 1951, ils vont intégrer la troupe des Castors Juniors, une troupe d'inspiration scout, qui montre bien que l'orientation, elle est quand même très différente. Et du coup, le foyer qui est créé autour de Donald, c'est un foyer de la classe populaire, une classe américaine très moyenne, unie sur le modèle de l'entraide, tel que on a pu l'avoir pendant la Grande Dépression, la crise entre les deux guerres. Tout ça est bien beau, mais ça en fait un personnage qui est du coup devenu moins imprévisible. Et Karl Marx, on commence à le savoir, c'est quelqu'un qui aime bien l'ambiguïté, qui aime bien ce qui est un petit peu louche et ambivalent. Il faut apporter un petit peu de piment, en fait, à cette histoire. Et le piment en question, c'est Balthazar Picsou, voilà, qui est un vieillard acariâtre, misanthrope. Les seules fois où on le voit au début du récit, en gros plan, il a les dents serrées. On dirait toujours qu'il est en colère contre quelque chose. Dans l'image qu'on voit là, on est presque face à un méchant de feuilleton qui rumine sa haine dans son coin et qui échafaude des plans de vengeance. D'ailleurs, dans la case de droite, il claque dans la main comme s'il venait de trouver une solution, comme un gangster qui est en train de vouloir faire du mal en fait au héros. C'est bien le cas, hein, vu qu'il va lancer une invitation à ses neveux, une invitation qui n'est pas du tout celle que l'on croit, c'est pas pour leur faire plaisir du tout. Et donc, voilà, c'est un personnage très, très négatif, très, très mauvais, méchant en quelque sorte, et dans le récit, il se déguise en ours. Alors, encore une fois, les canards qui se déguisent en un autre personnage, lui, il se déguise en ours, de la même façon que Donald, un peu plus tard, se déguisera en loup. Mais l'ours, chez Picsou, c'est vraiment une image de ce qu'il est, en fait, au fond de lui-même. C'est un ours, métaphoriquement, moralement. C'est quelqu'un d'asocial, qui est dans sa tanière, là, ici, en l'occurrence, un manoir qui va très vite quitter parce qu'après, il ne va plus habiter ailleurs que dans son coffre-fort. Mais c'est un personnage qui n'est pas du tout positif. Et cette âpreté de Picsou, elle ne sera jamais démentie. Chez Rosa, la définition qu'on donne de lui, c'est que c'est le plus dur des gros durs. Donc, vraiment celui avec qui il ne faut pas rigoler, quoi. Et donc, quelque part, c'est le dernier Picsou à hériter de cette patate chaude de l'ambiguïté qui s'est échangée de Mickey à Donald et donc de Donald à son oncle, là, Picsou. Et cette idée, elle est d'autant plus justifiée que Don Rosa a dessiné une couverture en 1988 pour un recueil d'histoires où on les voit là se dessiner l'un l'autre. Mickey dessine Donald, Donald dessine Picsou et Picsou dessine Mickey à son tour. Donc voilà, on voit bien le côté mise en abîme. Mais on peut bien aussi discerner peut-être métaphoriquement ce que veut dire Don Rosa ici, c'est que chacun a donné une part de sa personnalité et de son ambivalence à l'autre. Sauf que Picsou, lui, il la donnera plus jamais à quelqu'un d'autre. Il va la garder. Hein, il va la garder jusqu'au bout, et ça restera tout au long de sa carrière chez Karl Barks, chez Don Rosa et chez d'autres encore aujourd'hui, un personnage qui est plein d'ambiguïté. Donc plein d'ambiguïté parce que il est méchant certes au début, par exemple de Noël sur le mont Ours, mais à la fin. Le canard sauvage qu'il était devient un papy gâteau ça n'a plus du tout la même allure, quoi, hein. Donc, dans la même histoire, Picsou, il peut changer de visage. Il peut s'avérer odieux, comme après s'avérer être extrêmement aimable. Un vrai... un vrai papy gâteau, quoi, effectivement. Et Picsou, donc, il est construit sur ce paradoxe. On ne peut pas le définir blanc ou noir, il est les deux à la fois. Il est méchant et gentil. Il est égoïste et généreux. Il est acariâtre et romantique. Il ne pense qu'à l'argent et en même temps, ben, pas tout à fait. Et même l'argent, en fait, ce n'est pas forcément ce que l'on croit. L'argent, et Don Rosa l'explique à plusieurs reprises dans ses histoires, l'argent qu'il entrepose dans son coffre-fort, il ne faudrait pas y voir simplement un amoncellement de pièces qui sont réunies pour leur valeur, pour la valeur financière, etc. Il s'avère que chacune des pièces qui sont réunies dans le coffre-fort, c'est un souvenir d'une des aventures qu'il a vécues par le passé. Donc, la valeur des pièces n'est pas une valeur financière ou fiduciaire, c'est une valeur sentimentale. Et on le voit bien dans cette planche-là, parce que les souvenirs, Picsou baigne au milieu de l'argent de la même façon qu'il baigne au milieu de ses souvenirs, en fait. Et d'ailleurs, les souvenirs se manifestent à lui dans des bulles qui sont rondes et qui rappellent évidemment la rondeur des pièces d'or, quoi, hein, dans lesquelles il s'amuse. Donc, ce n'est pas un personnage qui est déchiré par un dilemme comme Donald l'était dans The Spirit of 43. C'est un personnage, en fait, qui fait la synthèse de cette ambiguïté, qui fait la synthèse de tous ces dilemmes. En fait, Picsou, il réalise l'ambivalence de l'univers palmipède. Vous savez, l'univers qui est ni canard ni humain, mais il le réalise sur un plan moral. Il est à l'opposé, en quelque sorte, de Donald, qui se donne toujours tout entier, tel qu'en lui-même. Donald, on le sait, il est fainéant, il est couard, il est susceptible. Ça s'arrête là, en fait. Picsou, c'est toujours beaucoup plus compliqué. À l'inverse, donc, Picsou, c'est l'être du changement qui évolue tout le temps, toujours. On peut le voir toujours, en fait, évoluer, et pas seulement d'une histoire à l'autre, mais au sein même d'une histoire. Et c'est particulièrement le cas dans certaines histoires que Karl Barks écrit dans les années 60, sans réaliser le dessin pour les Castor Junior. Systématiquement, pendant la première partie de l'histoire, Picsou se montre comme un être odieux, un capitaliste éhonté qui est prêt à tout sacrifier, les êtres humains comme la nature, comme l'écologie, pour assouvir son désir d'enrichissement. Et dans la deuxième partie, comme transformé par le compagnonnage, en quelque sorte, des Castor Junior, eh bien, il change totalement de visage, il fait un virage à 180 degrés et il devient quelqu'un de beaucoup plus positif et il rachète en fait ses fautes. Et donc, on a le sentiment que c'est un personnage qui est double, en tout cas un personnage qui cache quelque chose. Et il y a une histoire de Karl Barks qui date de 1953, qui s'appelle « Retour au Klondike », qui en est un peu comme le théorème. Dans cette histoire, Picsou, il a des trous de mémoire et donc il va voir le médecin. Le médecin lui donne un médicament qui est tellement efficace qu'il lui rappelle que dans sa jeunesse, il a caché un magot au Klondike dans un endroit, d'une mine en fait, qu'il a exploité pendant un certain temps. Et donc, il va y retrouver cette mine pour essayer de retrouver l'endroit où il a enterré ce magot. Et là, il découvre que la prospection, elle est occupée par une femme qu'il a connue par le passé, c'est Goldie. Et il y a une rivalité qui était là avant et qui évidemment se renoue dans ces retrouvailles. Et c'est une très belle histoire parce que alors qu'il il donne un défi en fait à Goldie, le premier qui trouve l'argent, c'est celui qui l'emporte, il va faire semblant de perdre. Il fait semblant d'oublier là où il avait caché l'argent alors qu'il s'en souvenait très bien. Et il fait semblant d'oublier donc ce détail alors que c'est précisément en mémoire de la relation qu'il avait avec Goldie qu'il la laisse gagner. Donc, il y a vraiment l'idée dans ce récit qu'il ne peut pas être ouvertement gentil. Il faut que cette gentillesse, elle passe par le masque de la méchanceté, par le masque de l'âpreté et de l'avarice. À la fin de l'histoire, il continue à faire semblant, il pleure, il dit « Oh là là, j'aurais tant voulu retrouver mon argent », alors que tout le monde est au courant que, en fait, il fait semblant. Et donc, cette duplicité et ce caractère caché, ce caractère masqué, il renvoie à l'ensemble des histoires en fait, qui sont écrites par Karl Barks. Parce que toutes les histoires, ou presque, reposent sur des simulacres et des faux semblants. Souvent, il y a des faux fantômes, il y a des faux trésors, il y a toujours des fausses pistes, des fausses résolutions aussi. Il y a des gagnants qui ne sont jamais vraiment ceux que l'on croit, et quelquefois, il n'y a pas de gagnant du tout. Et les résolutions sont même quelquefois encore plus tordues que les énigmes. C'est le cas, par exemple, du secret du vieux château, où la famille Duck doit retourner dans le château ancestral de la famille de Picsou, et ils sont en proie à un fantôme. Or, ce fantôme, ce n'est pas un fantôme, comme on le laisse croire pendant un certain moment du récit, c'est le gardien qui a trouvé un filtre, un aérosol qui lui permet, quand il s'asperge de ça, de devenir invisible. Et c'est extraordinaire parce que la résolution, elle est encore plus improbable que l'énigme. C'est encore plus fou. Et régulièrement, il y a ça. Il y a une histoire où ils sont dans un village abandonné et le village semble changer de place ou c'est le décor qui semble évoluer autour d'eux. Et en réalité, c'est juste qu'en fait, ils sont dans un endroit qui est plein de courants d'air et le village glisse d'un bout à l'autre de la région. Et la résolution, pareil, est de nouveau encore complètement folle, encore plus invraisemblable que l'énigme d'origine. Et là, c'est le cas. Ce n'était pas un fantôme, donc tout va bien, mais c'est encore pire, parce qu'on a le secret de l'invisibilité qui était entre les mains d'un malfaiteur, quoi. Et donc, tout est déjà en germe dans la première histoire de Karl Barks qui met en scène Picsou en 1947, parce que dans Noël sur le Mont Ours, ben, il tendait un piège à ses neveux, il y avait une fausse invitation de nouveau, et il se déguisait en ours, c'était donc un faux ours, pour pouvoir faire peur à ses neveux. Donc, chez Picsou, il y a toujours question de masque et de dissimulation. Quelque part, il est à l'image de son sous-fétiche. Il a toujours une face cachée. Et du coup, de ce niveau-là, Picsou, c'est le chiffre de l'hermétisme, c'est le chiffre de quelque chose qui reste toujours inaccessible. Il se présente toujours que d'un côté de lui-même, et principalement le plus mauvais, de façon à cacher le meilleur. Et détail amusant, les canards dans la série sont toujours à moitié habillés. Le corps est toujours à moitié dissimulé. La plupart du temps, ils se baladent cul nu, il faut bien le dire, mais il leur arrive aussi de cacher le bas opportunément quand ça les arrange. Là, c'est curieux. Donald, il se retrouve dénudé, mais qu'est-ce qu'il cache, ce qui habituellement reste découvert. Donc, au-delà de l'idée de la bienséance et du puritanisme qui est peut-être lié à l'époque et qui consiste à résister en fait à l'idée de la nudité, hein, c'est ça qui choque en fait ici, c'est l'idée qu'il puisse être nu. Mais au-delà de ça, il y a un truc qui est quand même assez rigolo, c'est que il y a toujours finalement une partie du corps des canards qui est dissimulée. Comme là ici quand Picsou il va chez le médecin. Il enlève son maillot de corps et le maillot de corps se retrouve sur le bas de son corps. Donc, les canards, ils sont toujours vus qu'à moitié. Le corps des canards n'est toujours vu qu'à moitié. Et ce qui est amusant, c'est que dans Le secret du vieux château, vous savez, le récit qui met en scène l'invisibilité grâce à un aérosol, la maladresse de Donald l'amène à s'arroser lui-même de ce produit. Et qu'est-ce qui arrive ? Il se rend invisible, mais seulement à moitié. Et qu'est-ce qu'on voit évoluer ? Eh ben, le cul de Donald, tout seul. Mais voilà, c'est toujours l'idée finalement qui manque quelque chose, qu'il y a quelque chose de caché, qu'on ne voit que la moitié, que la face finalement offerte au regard, tandis que ça sous-entend une partie qui est dissimulée, trouble, plus obscure, en tout cas inaccessible. Et ce motif, caractère caché, inaccessible, on le retrouve finalement dans les récits, parce que la plupart des récits sont organisés autour de la chasse au trésor. Donc, la chasse au trésor, elle actualise pas tant l'appétit du gain chez Picsou que l'attirance pour ce qui reste inconnu et caché dans le monde. C'est vraiment essayer de chercher ce qui reste encore inaccessible dans le monde. Et dans le prolongement de cette idée, Don Rosa, c'est ce qu'il fera. Parce que dans son œuvre, chez Don Rosa, il y a toujours la volonté d'excaver ce qui est caché, ce qui est tu, ce qui est dissimulé, ou ce qui est sous-entendu, en fait, chez Karl Barthes, à savoir le passé de Picsou. Et les plus belles histoires de Don Rosa, il y en a des quantités astronomiques et toutes vraiment superbes, mais les plus belles en particulier sont les histoires qui sont issues du cycle qu'on appelle la jeunesse de Picsou et qui s'occupent à retracer le parcours de Picsou de son enfance jusqu'au moment en fait où on le retrouve avec Donald, Riri, Fifi et Loulou pour le Noël sur le Mont Ours. Et donc, à travers l'œuvre de Rosa, on comprend pleinement ce qui restait implicite chez Barthes, à savoir qu'il y a une identité complexe qui est à l'œuvre derrière cette façade de vieillard acariâtre. Si bien qu'on pourrait dire que Picsou, il ne faudrait pas le réduire à une identité, c'est-à-dire que ce n'est pas un personnage qui s'impose comme une subsistance d'une forme ou d'une idée dans le temps, mais on pourrait dire à la suite de Paul Ricoeur que c'est une ipséité, à savoir que c'est un personnage qui a un rapport à soi qui est orchestré par la mémoire et par le récit que l'on a de soi. À savoir que c'est un personnage qui se construit en permanence sur les expériences qui le fondent. Et non pas un personnage qui est figé, fixé, un peu comme Donald, qui reste un couard, qui reste un fainéant et qui reste quelqu'un de très susceptible. Et donc, c'est en renouant avec la mémoire de Picsou qu'on comprend qui il est vraiment. Et peut-être que c'est le moment aussi de parler du vrai nom de Picsou, parce que Picsou, Balthazar Picsou, c'est le nom français qui a été donné à ce personnage. Mais le personnage, en version originale, en anglais, il s'appelle Scrooge McDuck. Et ce nom, de même que le fait qu'il apparaisse à la période de Noël, hein, pour une histoire qui s'appelle « Noël sur le Mont Ours », c'est une référence qui est faite à un récit classique et célébrissime de Charles Dickens qui s'appelle « Un chant de Noël ». Donc, Scrooge McDuck, c'est un hommage au personnage principal de ce récit qui s'appelle « Ebenezer Scrooge ». Et d'ailleurs, Walt Disney, en 1983, va faire un court-métrage d'une demi-heure qui s'appelle le Noël de Mickey, qui n'est ni plus ni moins que l'adaptation d'un chant de Noël de Dickens avec les personnages qui sont les personnages principaux de l'univers de Disney. Donc, on reconnaît Dingo, on reconnaît Mickey, évidemment, vu qu'il est dans le titre. On reconnaît Picsou, Donald et les autres. Mais en fait, ce ne sont pas eux. Ce sont les personnages de Dickens. Donc, la première carrière, en quelque sorte, de Picsou dans le dessin animé, c'est celle-là. Elle se fait en contrebande. C'est dans une adaptation, en fait, de Charles Dickens, et qui se fait donc bien, bien plus tard que sa première apparition, 40 ans plus tard à peu près. Toujours est-il que le récit de Scrooge, le récit d'Ebenezer Scrooge dans Un chant de Noël, c'est le récit d'une rédemption. Au début, c'est un méchant avaricieux, et à la fin, il devient tendre et plein d'humanité. Et donc, à travers un récit initiatique qui se déroule pendant toute une nuit, il renoue finalement avec ce qu'il était au fond de lui-même. Et Picsou, c'est la même chose. Picsou, en fait, il ne cesse de rejouer cette rédemption qui est au cœur de son origine chez Dickens et qui le fait aussi constamment entre deux pôles, Donc, le négatif et le positif. Et puis, à travers le prisme de Dickens, on peut aussi essayer de tisser une sorte de filiation qui actualise un rapport au temps dans la série. Parce que les différentes rencontres que fait Scrooge dans le livre de Dickens, ça se manifeste selon des fantômes, le fantôme du passé, le fantôme du présent et le fantôme de l'avenir. Or, on peut faire un parallélisme entre ces fantômes et les personnages en fait, de la famille Duck. Parce que le fantôme du passé, ce serait Picsou. Le fantôme du présent, ce serait Donald. Et le fantôme de l'avenir, les fantômes de l'avenir plutôt, ce serait Riri, Fifi et Loulou. Alors, là, c'est très anecdotique, mais ça me permet d'aller un peu plus loin en proposant une analogie aussi avec une topologie telle qu'elle a été fondée par un philosophe qui s'appelle Vladimir Jankélévitch, qui n'a jamais lu Picsou, du moins je ne crois pas, mais qui dit des choses intéressantes dans un livre qui s'appelle « L'aventure, l'ennui et le sérieux ». Et ce rapport au temps, ce rapport à la filiation, on peut le retrouver dans ces trois styles de vie qu'il décrit. Donc le sérieux, ce serait Picsou. C'est celui qui ne peut envisager le présent que dans la continuation du passé, en tant qu'il lui est redevable de quelque chose ou qui en hérite d'une certaine façon. Et c'est bien le cas. La fortune de Picsou, elle vient de son expérience passée, elle vient de la vie qu'il a menée avant de rencontrer ses neveux, elle vient de son passé d'aventurier, d'explorateur, d'investisseur, etc. Donc, le sérieux, c'est envisager le présent par le prisme du passé, et quel meilleur moyen qu'un vieillard pour le représenter quelque part. Ensuite, il y a l'ennui. Et l'ennui, c'est Donald. L'ennui, c'est le vécu qui est trop solidaire du présent. C'est un présent qui souvent n'est pas à la hauteur des espérances, qui est monotone, qui est marqué par l'immobilisme, qui est meilleur, mais qui ne vient jamais. Il faut se rappeler que Donald, c'est un personnage qui est censé être né un vendredi 13. Donc, c'est l'antagoniste évidemment parfait à son cousin Gontran Bonheur, hein, qui lui a une chance phénoménale. Et donc, c'est vraiment le présent qui est marqué par la déception, par le découragement, par tout ce qui ne marche pas, quoi, en fait. Que ce soit le sérieux et l'ennui, ces deux instances, elles sont marquées par la durée. La durée vis-à-vis du passé, pour le sérieux, et la durée par rapport à l'ennui, parce que le présent s'éternise sans jamais faire advenir un lendemain meilleur. Et l'aventure, la troisième instance, eh ben c'est bien sûr Riri, Fifi et Loulou. C'est la rupture avec l'ennui, parce que l'aventure, elle travaille à faire advenir un autre temps. Et cet autre temps, c'est celui de l'instant, c'est un temps qui se situe entre le présent et un avenir qui n'est pas encore là. Or, l'aventure, c'est aussi la capacité à saisir sa chance, c'est l'occasion. Jankélévitch, il écrit ça avec un O majuscule. L'occasion à travers laquelle tous les possibles sont virtuellement présents. Et évidemment, les trois neveux de Donald, ils incarnent très bien ça à travers la fraîcheur et la curiosité de l'enfance. Donc, si l'aventure, elle vient rompre avec l'ennui, Jankélévitch nous explique aussi qu'elle est complètement liée avec le sérieux, parce qu'il n'y a pas d'aventure qui puisse se réaliser sans qu'il y ait un peu de sérieux. Sinon, l'aventure, ce ne serait rien d'autre qu'un jeu. Futile, sans enjeu, justement. Il faut un équilibre entre le jeu et le sérieux, de la même façon qu'on a un équilibre dans les aventures de Picsou entre les enfants et lui-même, entre finalement l'enfance et la vieillesse qu'il incarne. Entre les deux, Donald, il fait comme un mouvement d'oscillation, comme un mouvement de balancier qui permet le passage de l'un à l'autre. Dans cette case-là, on en voit bien l'exemple, parce que les enfants se réjouissent de l'aventure qui se présente à eux. Ce sera une grande aventure, et ils sont tous sourires. Picsou garde son sérieux, peut-être, mais ce n'est guère engageant. Donc, il y a vraiment l'idée que tout ça n'est pas un jeu, mais c'est très sérieux. Tandis que Donald, lui, est au bout de sa vie parce qu'il a envie de tout, sauf d'être là. Lui, il veut être dans un hamac à siroter du soda et rien d'autre. Et c'est pour ça que Picsou, dans plusieurs histoires de Barks et de Rosa, il considère que Riri, Fifi et Loulou, ce sont ses seuls héritiers, les seuls qui sont dignes de lui, en fait. Et c'est pour ça aussi que dans la bande à Picsou, la série animée qui va être créée autour des personnages et autour finalement des aventures qui ont été créées par Karl Barks à la fin des années 80, Donald y disparaît. Les personnages principaux, c'est Picsou, Riri, Fifi, Loulou. Il y a la petite Zaza qui vient s'ajouter à ça. Et puis, il y aura évidemment Flagada Jones, par exemple. Mais Donald, lui, est absent. Peut-être que… Alors, c'est sans doute pas volontaire du tout, mais d'une certaine façon, les créateurs, ils actent l'idée selon laquelle Donald, il n'est pas nécessaire, en fait, à la bonne tenue des aventures qui se jouent chez ces personnages-là. Mais par ailleurs, cette absence de Donald dans la série, elle me permet d'évoquer une petite dernière chose, peut-être, c'est que… les aventures chez Karl Barks et chez Rosa sont toutes marquées par un thème, c'est celui de la perte. Leur existence elle-même est marquée par l'idée de la perte. Parce que Riri, Fifi et Loulou, ça fait quand même un petit moment qu'ils sont chez leur oncle. On se demande bien ce que sont devenus les parents, et notamment la sœur de Donald. On sait que c'est la sœur de Donald qui les a confiés en fait, au canard. Donc, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y a tout qui laisse à croire qu'ils sont orphelins. Donald, c'est pareil, il est sans famille. Jusqu'au moment où Picsou entre dans sa vie, c'est quelqu'un qui n'a pas de parents, par exemple. Et puis, si on se réfère à l'histoire de Picsou telle qu'elle est racontée par Don Rosa, c'est une succession de deuils et, qui marque son éloignement vis-à-vis de ses parents et de ses proches. C'est ce qu'on voit dans cette case que vous ne voyez peut-être pas fort bien, mais c'est le recul du manoir des McPicsou. C'est la rencontre, en fait, en quelque sorte, entre Picsou et sa famille qui est rejouée. Donc, on voit bien que c'est un personnage qui a rompu avec sa famille. La mienne semble s'être évaporée, dit Picsou. Et Riri, Fifi et Loulou, très troublés et attristés, répondent, en se parlant les uns aux autres, on connaît ça aussi, nous. Donc, ce n'est pas qu'une supposition. En fait, ils sont bel et bien orphelins. Et donc, il y a l'idée que l'aventure, elle est peut-être aussi motivée par ce motif de la perte. Et plus généralement, on pourrait aussi imaginer qu'il y a quelque chose qui est lié à ce niveau-là au parcours de l'Amérique. Parce que en introduisant Oncle Picsou dans le récit des aventures de Donald, Karl Barks y semble réactiver en même temps qu'il le renverse le stéréotype de l'oncle d'Amérique, celui qui change toujours la donne dans un récit. Sauf que c'est justement pas un oncle d'Amérique, c'est un oncle d'Europe quelque part. On sait, Karl Barks le dit à plusieurs reprises, qu'il vient de Glasgow. Don Rosa nous donnera tous les détails possibles et imaginables par rapport à ça. Et donc c'est l'oncle qui vient d'Europe et qui vient quelque part redonner un sens et une finalité à une American way of life qui est vide et ennuyeuse, en tout cas telle qu'elle est vécue par Donald, qui est toujours confronté à l'échec et à l'incomplétude. Et donc, il y a l'idée, à travers cette filiation indirecte des oncles, hein, oncle Picsou, oncle Donald, etc., il y a l'idée que l'héritage, il vient constamment relancer l'aventure. Et c'est un héritage qui relance l'aventure réciproquement. C'est-à-dire que Picsou, il redevient un personnage positif d'aventurier grâce à sa famille, de la même façon que Donald, Riri, Fifi et Loulou deviennent des aventuriers grâce à Picsou. C'est-à-dire que c'est en se réunissant et en refondant la famille éclatée qui était brisée au départ de la série que l'aventure va devenir possible. Et cette opportunité, cette occasion, hein, comme le disait Jean Mickiewicz, c'est vraiment l'idée qu'il y a une nouvelle chance qui est donnée qui permet de s'engager donc dans l'aventure. Cet instant, cette occasion, Jean Mickiewicz, il le définit aussi quelquefois comme le presque rien. Le presque rien qui contient presque tout. C'était un moment indicible grâce auquel toutes les virtualités du futur vont être possibles. Et cette histoire de presque rien qui contient le presque tout, finalement, c'est l'histoire du sou fétiche, hein, le premier sou de Picsou, parce que ce sou qu'il a gagné alors qu'il était cireur de chaussures à Glasgow, c'est la première pierre qui est fondée à sa fortune. C'est la première pièce qui va être suivie de bien d'autres et qui vont remplir un coffre-fort entier qui est vu comme une piscine olympique à plusieurs reprises. Et c'est aussi le sou qui va donner l'impulsion de l'aventure et qui va donner le goût en fait de parcourir le monde et de rechercher toujours de nouvelles possibilités en fait de vivre l'aventure. Et donc voilà, à travers les neveux, à travers la famille, Picsou retrouve un vrai but dans sa vie, et il retrouve surtout le vrai but de l'aventure, qui n'est pas tant l'appât du gain, qui n'est pas tant l'amassement et la collection ou le prestige, même si c'est toujours beaucoup présent dans ses aventures, mais qui est en quelque sorte la perpétuation de l'aventure. C'est l'idée qu'il faut prolonger l'image et une vie d'aventure. Et c'est particulièrement visible dans un très beau récit de 1950 qui s'appelle « Sur les traces de la licorne », où Picsou commandite Donald pour pouvoir aller récupérer la dernière licorne qui vit sur Terre, en Himalaya. Et bon, malheureusement, Gontran Bonheur s'en mêle et c'est lui qui va apporter la licorne à Picsou. Mais parce qu'ils ont vécu l'aventure, Donald, Riri, Fifi et Loulou sont les seuls à savoir ce qu'il faut pour nourrir la licorne. Et la licorne, elle est en train de mourir de faim. Elle se laisse mourir quoi, dans le zoo de Picsou. Et grâce à eux, ils vont pouvoir la nourrir, ils vont pouvoir la maintenir en vie et ça va pouvoir devenir non pas un trophée, non pas un animal qui serait comme empaillé, non pas quelque part un objet qui est dévitalisé de ces mythes et des légendes qui l'ont fondé, mais un objet qui est entretenu dans son mythe et dans ses légendes, un objet qui est nourri et qui relance finalement l'idée d'aventure et de conquête, quoi, en quelque sorte. Et c'est ça, je pense, le propre des aventures de Picsou et de sa famille, c'est l'idée de perpétuer finalement une aventure qui n'est jamais terminée et qu'il faut au contraire toujours chercher à nourrir et à apporter en substance. Et par exemple, ce que fera Don Rosa, c'est exactement ça. En prolongeant le parcours de Picsou tel qu'il a été imaginé par Karl Barks, il ne fait que perpétuer finalement le destin qui est celui de Picsou et de sa famille. Et voilà, pour conclure, certains d'entre vous ont la volonté de perpétuer les réflexions autour de ce personnage, ils peuvent aller lire ce livre passionnant de Pierre Pigot qui s'appelle « L'assassinat de Mickey Mouse » et dont l'un des trois chapitres est entièrement consacré à l'univers palmipède et donc à Picsou en particulier. Voilà. Merci beaucoup, merci à Nicolas. Je me suis dépêché vers la fin parce que je crains avoir été un peu plus long que prévu. Non, c'est parfait. Bah, c'est parfait. Ouais. Franchement, là, timing excellent. Donc, merci beaucoup. Donc, au départ, on avait programmé cette conférence quand on était dans un cycle lié à l'aventure. Et je pense que vous avez bien montré ici à quel point ce personnage, effectivement, qu'on connaît plus comme un vieillard acariâtre et colérique, montrait la richesse, l'épaisseur finalement de son caractère. Et aussi la richesse de ses aventures qui en fait sûrement un des grands aventuriers de la culture populaire. Et donc, j'espère. C'était vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup, Nicolas. Et alors, à bientôt, j'espère.